perds la tête. Cette fois c'est trop, j'ai besoin de la vider. Trop temps, rôle circule à croire que mon crâne est à visiter. Je ressens comme une sensation étrange. Oh Mike, je suis petit gars dissipé, passer le cap de l'adolescence. 6 ans que ma plume me suit sans hésiter. Crade sur mes écrits, je vous le cache pas, je vais être mal terminé. Je vous lâche des phases interminables. Esprit contaminé, pas de miracle. Ce qui jacques, évite les sangs de faire laminer. J'ai la grise mine, tu pourras voir le soleil rappliquer rarement. J'ai comme une sale idée, ouais, laissez-moi tranquille. J'en ai marre pour certains saliver. Je suis pas à l'heure pourtant, les aigus de maman tournent. Je suis troublé, moi qui voulais avancer sans devoir me retourner. Je doute, je me demande pourquoi je reviens là-dessus. Tout porte à croire qu'il n'y a pas d'astuce, plus rien n'est à mon goût. Alors je bois, je fume en attendant mon tour. Quel grave, je m'entais, je bats ton coup. Évite le drame, lutte, évite le drame, lutte. La vie fait mal, prends soin de ta femme, ifle les marches. Fais un pas de noir, ifle les balles. Avant d'atterrir, pense à ta chute. La sigma guérit pas la zig. C'est pour ça que je carbure. Aujourd'hui je taffe, jure. Évite le drame, lutte. La vie fait mal, prends soin de ta femme, ifle les marches. Fais un pas de noir, ifle les balles. Avant d'atterrir, pense à ta chute. La sigma guérit pas la zig. C'est pour ça que je carbure. Aujourd'hui je taffe, jure. Aujourd'hui je taffe, jure. Aujourd'hui je taffe, jure. Je reste coffré jusqu'à que ça m'écœure. Je suis pas vainqueur, j'ai rien gagné de la vie, j'ai que des sourires moqueurs. Et quand soudain je m'apaise, tu vois ce rare espoir dans mes yeux, plus éphémère qu'une comète dans les cieux. Et moi j'attends les signes, putain j'ai tant délaissé le domicile. Les miens frottent les murs jusqu'au dos qui saigne. Et y'a quoi d'autre ici? Moi je vois pas trop d'issue. Depuis lycée, y'a que les larmes d'une mère trop déçue. Et je sais qu'après le décès, on t'enterre, puis on t'oublie. Tous les mêmes douleurs qui nous plient. Vers le côté gauche de la poitrine, morceau je prends le premier tram. Une haine de la patrie en fond qui plane. Et si j'ai le front qui se plisse, quand tu me demandes comment ça va, réfléchis, j'ai pas de travail et la vie me ça va. Puis je ressens le vide sa mère, c'est le seul qui se ramène. Seul tout juste ma mine, comme ce guétro qui se vise la veine. Eh, hey, évite le drame, lutte. La vie fait mal, prends soin de ta femme, ifle les marches. Je fais un pas de noir, ifle les balles. Avant d'atterrir, pense à ta chute. La zig m'a guéri, pas la zig. C'est pour ça que je carbure. Aujourd'hui je taffe, jure. Évite le drame, lutte. La vie fait mal, prends soin de ta femme, ifle les marches. Je fais un pas de noir, ifle les balles. Avant d'atterrir, pense à ta chute. La zig m'a guéri, pas la zig. C'est pour ça que je carbure. Aujourd'hui je taffe, dur.